sa mère à tous les rageux, nique sa mère à tous les haineux. J'ai débarqué avec un pur style, ça c'est pour tous les mecs OP pour des freestyles. Dis-leur que j'ai pas connu l'époque des punchlines sur rapline. Je dégaine avec un style qui vient tout droit des îles. Pas besoin de me présenter, c'est soit tu me connais, soit tu me connais pas. En scat, la ramène pas. C'est ton blême si t'as décidé de concurrencer Clara Morgan. T'es pas loin de doubler Paris Hilton. J'ai juste le temps d'éviter mes couilles et. Wir sind die Jungs von einer anderen Sorte mit ins Game auf die Straße. Zu deinen Gunsten, Junge, bald gibt es für dich nicht mehr viel zu machen. Tu, was du willst, komm, zeig, was du kannst. Doch die Wut in mir kickt, rühr man die Wand. Faut de mec, musst du sie stimmen. Mais dis-leur que je suis déterminé. Comme une missile, une fois lancée, personne peut m'estomper. Blablabla. Cherche pas à me rabaisser et avoue que mon flow te fait flipper. Si tu veux te faire du buzz, t'as qu'à te lancer dans le peurin. Mais sache qu'ici c'est pas la loi des grandes gueules. Tellement tu barres que tu remplis toutes mes feuilles. Si tu me cherches, t'as qu'à me trouver au QG. Toujours dans le 5-5 avec mes zinc. Entouré de mes rapsa et de mes négros. Dis-leur que mon flow pèse plus que des kilos. L'état a beau mettre des bâtons dans les roues, mais j'avance. Les MC veulent tester, mais moi je les laisse sucer. Retiens bien mon blaze, H-E-D-M-A-N. Je suis immatriculé 976. MC, fais-moi de la place. Si tu cherches à me la faire à l'envers, forcément tu finiras 6 pieds sous terre. Yeah. Wir sind die Jungs von einer anderen Sorte mit ins Game auf die Straße. Zu deinen Gunsten, Junge, bald gibt es für dich nicht mehr viel zu machen. Tu, was du willst, komm, zeig, was du kannst. Doch die Wut in mir kickt, rühr man die Wand. Wir sind die Jungs von einer anderen Sorte mit ins Game auf die Straße. Zu deinen Gunsten, Junge, bald gibt es für dich nicht mehr viel zu machen. Tu, was du willst, komm, zeig, was du kannst. Doch die Wut in mir kickt, rühr man die Wand. Wir sind die Jungs von einer anderen Sorte mit ins Game auf die Straße. Zu deinen Gunsten, Junge, bald gibt es für dich nicht mehr viel zu machen.